إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc الحمد لله رب العالمين. Ça me fait plaisir donc d'être avec vous aujourd'hui pour ce séminaire qui a été organisé pour les sœurs par une sœur de Aix-en-Provence. Donc الحمد لله. On espère que ce sera bénéfique. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il rende nos paroles et nos actions sincères, qu'il nous remplisse avec al-ikhlas, al-sidq, wal-amana, de nous faire comprendre l'importance de tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, inshallah, comme clarification au sujet de la salafiyya. Donc pour commencer, inshallah, j'aimerais clarifier une chose, c'est que on a donné plusieurs cours en fait dans le passé déjà sur la signification de la salafiyya, sur les fondements et les principes de la salafiyya, qu'est-ce que ça signifie la salafiyya, ainsi de suite. Donc il y a eu plusieurs cours qui ont été donnés à ce sujet. Et les cours qu'on a fait sur ce sujet, on a pris beaucoup de cours, hein, plusieurs cours pour expliquer la réalité, ou bien donner une petite idée de la réalité de ce que ça implique, de ce que ça signifie d'être un salafi. Et yani pour réfuter également plusieurs des shubuhat et des ambiguïtés qui sont enseignées ou expliquées ou mentionnées de la part de certains individus au sujet de la salafie. Donc, c'est très difficile d'expliquer ça en un seul cours et de résumer tout ça en un seul cours. On a fait déjà un livre qui s'appelle « Kun salafiyan ala al-jad » et on a expliqué dans ce livre-là des clarifications au sujet de la salafiyya. Et je pense que ça a fait même 15 ou 16 cours. Et on a fait un autre cours un autre jour aussi, on a expliqué en 4 cours, et on a réfuté certains des shubuhat qui sont diffusés au sujet de la salafiyya. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Inch'Allah? On va essayer de faire un petit résumé des points les plus importants au sujet de la salafiyya, justement. La salafiyya, alhamdulillah, en ce moment, elle est en train de se propager. Elle devient de plus en plus connue, elle devient de plus en plus claire pour ceux qui en entendent parler, à cause du fait que la science du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs est diffusée de plus en plus parmi les musulmans et même maintenant parmi les non-musulmans. Donc les gens commencent à en entendre parler et donc ils s'informent, ils veulent savoir ce que c'est. Il y a, alhamdulillah, les gens qui sont salafis, réellement salafis, et qui sont fiers de cette appellation et qui considèrent que c'est un honneur et une fierté d'être un salafi, puisque bien entendu, c'est de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf al-salih. Donc c'est clair que c'est un honneur. Et il y en a d'autres de notre côté qui critiquent cette appellation et qui le considèrent comme étant quelque chose de mauvais ou de négatif. Et même parfois, ils pensent ou ils s'imaginent que c'est sectaire, que c'est quelque chose qui est nouveau. Hein. Et donc, ils ont plusieurs shubuhat qu'ils mentionnent à ce sujet. Et donc, on va essayer, Inch'Allah, aujourd'hui, de répondre à certaines de ces shubuhat, puis de clarifier la réalité de ce que signifie d'être un salafi. Donc, il est important de comprendre et de savoir que, qu'est-ce que c'est, donc, la salafie, hein, et de savoir que ce n'est pas une secte. Premièrement, ce n'est pas une secte parmi les sectes d'égarement. Hein. De savoir aussi que la salafie, hein, ce n'est pas quelque chose qui a été fondé par l'Arabie Saoudite. Certains individus qui s'imaginent que c'est l'Arabie Saoudite qui a inventé la salafia, ou bien que ça a été fondé par l'Arabie Saoudite. Il y en a d'autres qui essaient de faire comprendre ou de faire croire aux gens que la salafia, ça a été fondé par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ou Cheikh ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, ou par le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ou par le Cheikh Abdelaziz ibn Baz, ou par le Cheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani, ou par le Cheikh Muhammad ibn Uthaymin, ou parmi ces grands chouyours comme le Cheikh Mukbil et d'autres parmi les grands machaykh comme Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafizahumullah ajma'in. Et cette notion ou cette idée-là, elle est propagée par les kuffars, parmi les soi-disant islamologues ou les soi-disant spécialistes en islam qui disent n'importe quoi souvent, et elle est propagée également par certains parmi les musulmans, hein, qui font partie des différentes tendances ou des différents groupes de bid'ah. Ils aiment, hein, propager cette idée pour faire croire aux gens que yani, la salafie, c'est quelque chose qui est fondé par des êtres humains, par des hommes à différents différents moments de l'histoire de l'islam, comme les différentes sectes. Ils essaient de faire ça dans le but de comparer la salafia aux différentes sectes qui sont apparues à travers l'histoire. Il y en a d'autres qui attribuent la salafia à une tendance ou à un groupe qui est apparu au 20e siècle ou à la fin du 19e siècle en Égypte. Hein, comme par exemple des individus comme Jamaluddin al-Afghani et Muhammad Abdo et Muhammad Rashid Reda, hein, et ils prétendent que leur tendance était salafia, alors qu'elle est loin, hein, elle a peut-être certains aspects de la salafia en elle-même, hein, certains d'entre les éléments qu'ils prônaient peut-être avaient des liens avec la salafia, mais ils avaient aussi des éléments qui sont en opposition et en contradiction avec la salafia. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'on peut expliquer et clarifier que leur mouvement n'était pas salafi, puisqu'il se basait sur la raison, et il donnait à la raison une précédence sur la révélation. Également à cause de leur affiliation avec la franc-maçonnerie. Et il y en a beaucoup d'autres raisons aussi que les ulama et les mashaykh ont expliquées dans plusieurs livres. Certains s'objectent à la salafia en disant que la salafia, c'est quelque chose qui crée de la division. Parce que du moment qu'on se donne ce nom ou ce titre, eh bien, ça nous distingue des autres musulmans. Et donc, pour eux, c'est quelque chose qui signifie que ça amène de la division entre les musulmans. Il ne faut pas se distinguer entre nous, il faut seulement se limiter à se dire musulman seulement. Et c'est de l'ignorance, souvent c'est dû à l'ignorance. Donc toutes les mauvaises compréhensions de ce que signifie d'être un salafi sont dues à de l'ignorance, à une connaissance soit erronée ou soit incomplète, hein, ou bien à une mauvaise aqida de la personne qui en entend parler, et donc qui l'amène à avoir une fausse compréhension de ce que signifie la salafia. Puis également, il y a les intrus dans la salafia, c'est-à-dire ceux qui s'attribuent le titre ou le nom et qui se disent salafis, mais qui contredisent les fondements et les principes de la da'wa salafia et du manhaj des salaf as-salih. Donc, à cause de ces individus-là, on voit apparaître plusieurs ambiguïtés et plusieurs shubuhat, des gens qui veulent faire rentrer dans la salafia ce qui n'en fait pas partie, ou qui veulent enlever à la salafia des principes et des fondements qui sont qui font partie des éléments de cette da'wa et qui sont parmi les fondements du manhaj des salaf. Et donc ça amène comme conséquence que on voit apparaître des différents conflits ou différents problèmes entre les jeunes, puisque quand ils disent parfois le terme salafi, ils ne comprennent pas réellement ce que ça signifie, et donc ils se disputent les uns contre les autres ou les uns entre les autres pour essayer de savoir lequel d'entre eux est salafi et lequel ne l'est pas. Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes à clarifier. Et ça nous indique le dernier point en particulier que j'ai mentionné. Ça nous indique l'importance d'avoir la compréhension de ce que signifie la salafia et quels sont les fondements et les principes de cette da'wa, les principes et les fondements de ce manhaj. Ça, c'est fondamental. Si quelqu'un a étudié et a compris les fondements de ce manhaj et les principes de ce manhaj, automatiquement, il va comprendre comment faire pour être un salafi, qu'est-ce qu'on doit respecter pour être un salafi, pour rester salafi. Et on va comprendre également qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un sort de la da'wa salafia ou n'est plus considéré comme étant un salafi. Et ça, c'est qu'est-ce qui est le plus important à comprendre. Le terme lui-même, le terme salafi, il est important. Mais la compréhension de ce que ça implique et de ses fondements et de ce qui s'y oppose est plus important encore. Donc tout ce que je viens d'expliquer depuis le début, c'est une mise en situation, si on veut, une clarification des points les plus importants à expliquer dans ce que je vais expliquer, Inch'Allah, aujourd'hui. Et donc, c'est un peu la ligne que je vais suivre pour clarifier donc ce que je vais expliquer aujourd'hui. Donc on va commencer, Inch'Allah, par la mention ou l'explication du terme salafi lui-même et qu'est-ce qu'il signifie linguistiquement et qu'est-ce qu'il signifie aussi dans la terminologie des ulama. Donc dans un livre qui s'intitule Wasatiyatu Ahl Sunnah Bain al-Firaq, écrit par le docteur Mohamed Bakarim Mohamed Ba Abdullah, il y a l'explication de ça à la page 96. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me baser sur plusieurs livres parce que il y a différents points à mentionner, puis ils sont clarifiés par plusieurs chouyours et chacun d'entre eux ont mentionné ou se sont concentrés sur des points. Et donc le mieux à faire, je crois, c'est de prendre les parties les plus importantes justement qu'on veut clarifier dans chacun de ces livres-là pour essayer d'arriver à traiter et à attaquer ou avoir les choses qui sont le plus nécessaires pour nous de clarifier. Et en particulier pour les sœurs et les frères en général, parce qu'on a tous affaire à ces choses-là dans notre époque en particulier. Donc, as-salafiyya ou as-salafiyyun, nisbatun ila as-salaf. Wa as-salaf fi al-lugha jam'u salif على وزن حارس وحرس وخادم وخدم والسالف المتقدم والسلف الجماعة المتقدمون ومنه قوله عز وجل فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Donc le cheikh il explique en premier que le mot salaf dans la langue arabe, c'est le pluriel du mot salif. Et que ça signifie celui qui nous a précédé, ou qu'est-ce qui nous a précédé. Et as-salaf, au pluriel, c'est un groupe de ceux qui nous ont précédés, qui étaient là avant nous. Et on peut donner comme exemple de l'utilisation de ce terme dans le Coran, le verset 56 dans Az-Zukhruf, dans Surat Az-Zukhruf. وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Nous avons fait d'eux des salafs, c'est-à-dire des prédécesseurs, un exemple pour ceux qui viennent après, qui suivent. Et ce verset-là, il parle de qui? Il parle de Pharaon et de son peuple. Le fait qu'ils ont été punis, ils ont été mentionnés ici comme des salafs, en voulant dire ici un mauvais exemple, puisque le terme salaf peut être utilisé pour les bons et pour les mauvais. Et quand on dit, justement, quand on parle de nos salafs, nos prédécesseurs, quand on parle des sahaba et des tabi'in, de ceux qui les ont suivis dans le bien, on parle de as-salaf as-salih, on parle des bons salafs, des bons prédécesseurs, parce que ce sont des bons exemples pour nous, hein, commençant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis les sahaba et les trois premiers siècles. Puis aussi, on peut l'utiliser pour dire les mauvais salaf, hein, salaf as-sou, hein, comme les koufars, les mouchriquins, hein, Pharaon et son peuple, ainsi de suite. Et le cheikh, il mentionne les paroles de certains parmi les ulama qui mentionnent donc cette explication linguistique, comme l'imam al-Baghawi dans son livre Ma'alim al-Tanzil. Il dit, قال البغوي في تفسيرها والسلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. L'imam al-Baghawi dit, as-salaf, donc c'est ceux qui t'ont précédé parmi tes ancêtres. Et dans ce verset, dans le verset 56 dans Surat Az-Zukhruf, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait, on a fait d'eux des prédécesseurs pour que ceux qui viennent après eux puissent utiliser leur exemple comme exhortation ou à titre d'exhortation, justement pour éviter de tomber dans le même problème ou le même erreur qu'eux. Et comme on dit souvent, je rajoute comme en passant, comme on dit dans le proverbe arabe, As-sa'idu man wu'iza bi ghayrihi. La personne qui est heureuse, c'est celle qui est exhortée par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire par l'exemple qui est arrivé à quelqu'un d'autre. Il apprend par l'erreur de quelqu'un d'autre, au lieu lui-même de tomber dans l'erreur. Donc tu vois quelqu'un, par exemple, il lui est arrivé quelque chose parce qu'il a fait telle ou telle erreur, toi, tu vas être épargné de tomber dans cette erreur-là, et tu as profité d'une leçon, parce que tu as vu ce qui est arrivé à l'autre. Et donc, t'as appris quelque chose sans avoir à faire la mauvaise expérience. Donc, c'est de là que vient le proverbe. Il dit, وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ سَلَفُ الْإِنسَانِ مَنْ تَقَدَّمَهُ بالموت من آبائه وذوي قرابته ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. Donc ici le cheikh il mentionne les paroles de Ibn al-Athir, un des imams, qui écrit dans An-Nihaya que as-salaf, les salaf d'un individu, c'est ceux qui l'ont précédé parmi ses ancêtres, ses pères et ses proches. Hein, ceux qui l'ont précédé et qui sont morts avant lui, parmi ses ancêtres et ses proches. Et c'est pour cette raison qu'on appelle la première génération parmi les tabi'in, on les appelle as-salaf as-salih, les bons prédécesseurs. Et ça, c'est dans An-Nihaya, dans le livre An-Nihaya. En ce qui concerne la signification du terme salaf dans al-istilah, dans la signification dans les terminologies employées par les ulama lorsqu'ils mentionnent le terme salaf, il y a différentes significations. du terme salaf. Cheikh, il mentionne plusieurs paroles à ce sujet-là. Pardon, je pense que j'ai un problème à la gorge. Donc, Cheikh, il mentionne plusieurs paroles. Le premier exemple, il dit que ce sont les Sahaba seulement. الأول أنهم الصحابة فقط وهو قول عدد من شراح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. Plusieurs parmi les gens qui ont expliqué la risale de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, un des grands ulama, parmi les ulama du madhhab maliki, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Risala, très connu. Et les shurahs, ils ont expliqué que ce sont les sahaba, et ils se sont limités à dire que c'était les sahaba. Ça, c'est la première. La deuxième explication, أنهم الصحابة والتابعين وإليه ذهب أبو حامد الغزالي في قوله اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف أعني مذهب الصحابة والتابعين. Donc ça, c'est tiré des paroles de c'est la deuxième explication, que ce sont les sahaba et les tabi'un, tirés des paroles de Abu Hamid al-Ghazali dans son livre Al-Iljam ou Iljam al-Awam an ilm al-Kalam. Il dit que sache que la vérité est claire, au sujet de laquelle il n'y a aucun doute pour les hommes de compréhension et les hommes de science, c'est que le madhhab des salaf, je veux dire par là le madhhab des sahaba et des tabi'un, donc c'est-à-dire que dans ce qu'il explique, le madhhab des salaf, c'est le madhhab des sahaba et des tabi'in. Donc ça fait partie des exemples, des paroles des ulama. Et après, on va expliquer certains points. Vous allez voir que c'est très important, ces explications-là et ces définitions-là. Et on retrouve qu'il y a, comme on va le voir, un consensus à ce sujet-là. Tout le monde est d'accord pour dire cette chose-là. On va continuer dans les différentes explications. Le cheikh dit الثالث أنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين أي القرون الثلاثة التي أثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. Donc ici le cheikh il dit que il y en a d'autres qui ont mentionné que les salaf, quand on dit salaf, on parle des sahaba, des tabi'un et des tabi'in, c'est-à-dire les sahaba, les tabi'un, ce sont les étudiants, ceux qui ont étudié avec les sahaba, ce sont les élèves des sahaba, et les tabi'un tabi'in, ce sont les gens qui ont étudié avec les étudiants des sahaba, ou les élèves des sahaba. Donc ça, c'est les trois premières générations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné dans un hadith qui est très connu que ces trois premières générations-là sont les meilleures. Sont meilleures que toutes celles qui vont venir par la suite. Et il mentionne donc ça dans le hadith d'Imran ibn Hussein, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit que la meilleure génération, c'est ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Et il mentionne ensuite que Imran, celui qui rapporte le hadith, radiyallahu anhu, il dit, je ne sais pas si le prophète a mentionné après sa génération deux ou trois siècles. Et dans un autre hadith, il dit, wa fi hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, قال خير الناس قرني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Et il dit ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. Donc il mentionne donc les paroles d'Abdullah ibn Mas'ud qui disent que la meilleure génération, c'est ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Puis il y a un peuple qui vient, ou il y a des gens qui viennent par la suite. Le serment de l'un d'entre eux précède son témoignage et son témoignage précède son serment. Et il dit وَإِلَيْهِ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالشَّوْكَانِ وَالسَّفَارِينِ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ صَنِيعُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ خِيَارُ قُرُونِهَا وَرُبَّمَا أَدْخَلَ مِنْ بَعْدِ التَّابِعِينَ كَلِمَةَ مَحْمَدٍ في مفهوم السلف فيقول وكذلك قال ابن ماجيشون وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف. Donc ici il dit qu'il y a beaucoup parmi les savants, plusieurs parmi les savants comme l'imam al-Shawkani et l'imam al-Safarini et d'autres parmi les ulama, comme il dit certains, il y a des paroles de l'imam Ibn Taymiyyah qui mentionne ça également, que les salafs de cette umma sont les meilleurs les meilleures générations de cette umma qu'on a mentionné, les trois premières générations. Et il dit que ça se peut également que certains parmi les tabi'in, donc il dit il fait rentrer là-dedans les tabi'in comme l'imam Ahmed par exemple, qui est né en 164 et qui est mort en 241, dans la compréhension de qui sont les salafs. Et de même que comme il mentionne par exemple les paroles d'Ibn Taymiyyah qui cite l'imam Ibn Majishun et qui cite l'imam Ahmad Ibn Hanbal et d'autres également comme étant des imams parmi les imams des salafs. Ensuite il mentionne, il dit wa yuhaddid Ibn Rajab al-salaf al-muqtada bihim ila asr al-imam Ahmad wa aqranihi fayaqul وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة. Donc l'imam Ibn Rajab al-Hanbali qui est mort en 795, il explique que les salaf qu'on doit prendre comme modèle et comme exemple, il cite parmi eux des imams et des grands ulama qui ont vécu jusqu'à la période de l'imam Ahmad et ses contemporains parmi les ulama. Et donc il va dire, comme par exemple, il dit à notre époque, il est important et chacun doit écrire les paroles des salafs qu'on prend comme modèle, il dit jusqu'à l'époque de l'imam al-Shafi'i qui est mort en 204 et l'imam Ahmad qui est mort en 241 et l'imam Ishaq ibn Rahouya qui est mort en 238 et l'imam Abu Ubaid également qui est mort en 224 et il dit quelqu'un doit faire attention à tout ce qui est arrivé après eux, parce qu'après eux il y a beaucoup d'événements et de choses qui se sont produites. Et il mentionne, il dit voilà Allah salafuhu fi hadha al-imam al-ajurri faqad ra'aytuhu inda zikrihi al-a'immah alladhi yuqtada bihim وقف على الإمام أحمد وأقرانه فقال علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله عليهم وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقتهم ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء. Donc le cheikh il explique que ici cette position de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, il dit que probablement que cette opinion ou cette parole, il l'avait pris de l'imam Al-Ajuri, qui est mort en 360, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Sharia, dans lequel il explique l'aqidah de Ahl-Sunnah, l'aqidah des Salaf. Et il dit, j'ai remarqué qu'il a mentionné plusieurs parmi les imams qu'on prend comme modèle et comme exemple, et il a mentionné donc l'imam Ahmed et ses contemporains parmi eux. Donc, il cite donc l'imam Ahmed et il dit, il cite l'imam Al-Ajuri ici et il dit dans son livre Al-Sharia, علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق. Donc il dit, le signe que quelqu'un a voulu du bien pour lui, c'est qu'il suit la voie suivante, le chemin suivant. Le livre d'Allah Azza wa Jal, les sunan du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les sunan des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum, et ceux qui les ont suivis dans le bien, que la miséricorde d'Allah soit sur eux. Et il dit wa ma kana alayhi a'immatul muslimin fi kulli baladin ila akhiri ma kana alayhi ila akhiri ma kana anil ulama. Donc, et ceux qui ont suivi, ceux que suivaient les imams des musulmans dans chaque pays ou dans chaque région jusqu'à la fin, et qui suivaient ce que suivaient les ulama, comme l'imam Al-Awza'i qui est mort en 157, l'imam Sufyan al-Thawri qui est mort en 161, l'imam Malik ibn Anas qui est mort en 179, l'imam Al-Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal et Al-Qasim ibn Salam, et ceux qui étaient sur leur voie, et de s'écarter et d'éviter toute voie qui n'a pas été suivie par ces ulama, ou bien toute voie que les ulama qu'on vient de mentionner n'ont pas suivi. Donc ça, c'est une explication, une clarification à ce sujet-là. Donc, on va s'arrêter, on va prendre le temps de s'arrêter à cette explication et à cette clarification pour maintenant analyser tout ce qu'on vient d'expliquer et essayer de comprendre tout ça. On a compris maintenant, d'après les paroles qu'on vient d'expliquer, qu'on vient de lire, que les salafs, ce sont les sahaba et les tabi'un et ceux qui les ont suivis dans le bien. Et en réalité, donc, le terme salaf ou salafi, c'est un terme qui est connu même, depuis les premiers siècles de l'islam. C'est pas quelque chose qui est apparu à notre époque, comme certains essaient de le prétendre, de le faire croire. On retrouve des citations des tabi'in dans Sahih al-Bukhari. Dans Sahih al-Bukhari, on retrouve des citations de certains parmi les tabi'in qui parlent de ceux qui les ont précédés parmi les sahaba, et ils se réfèrent à eux en les appelant les salaf. Ils parlent des tabi'in. C'est-à-dire les élèves des sahaba, ils parlent des sahaba en disant nos salafs, c'est-à-dire nos prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés. Donc, ça c'est la preuve que ce terme, il n'est pas récent, il n'est pas nouveau. C'est pas quelque chose qui est apparu récemment que les gens ont inventé. C'est quelque chose qui existe depuis les premiers siècles de l'islam. De plus, Ça vient clarifier un point important, et c'est que la salafie, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, ceux qui prétendent que ce soit des kuffars, soi-disant spécialistes en islam, ou que ce soit des soi-disant intellectuels musulmans qui parlent de la salafie, et qui prétendent que la salafie, c'est quelque chose qui est récent, qui est inventé, soit ou qui a été amené par l'Arabie Saoudite, ou qui a été inventé par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ou qui a été inventé par les savants comme Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ou Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, ou Cheikh Al-Albani, ou d'autres parmi les ulama, eh bien, on peut leur répondre que cette compréhension qu'ils ont, c'est une fausse compréhension. Et c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là, par contre? C'est très important de comprendre que l'Arabie Saoudite, hein, est un pays qui est salafi. Et pourquoi il est salafi? C'est parce que c'est un pays qui a comme principe et comme fondement les mêmes que ceux des salafs salih. Et c'est pour cette raison-là qu'il est associé, hein, à la salafia. Et qu'on dit en parlant de l'Arabie Saoudite aujourd'hui que c'est un État, hein, salafi. Étant donné que dans le monde musulman actuellement, il y a beaucoup d'innovations qui sont propagées partout dans le monde, dans différents pays musulmans, et que un des seuls pays actuellement dans le monde musulman où la da'wah qui est mise de l'avant et les fondements et les principes qui sont mis de l'avant dans ce pays-là, c'est la salafia, c'est l'Arabie Saoudite en particulier. Et donc c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui on associe la salafia à l'Arabie Saoudite. Parce que à notre époque, aujourd'hui, il n'y a pas un autre pays musulman ou un autre État musulman qui a mis de l'avant les fondements et les principes des salafs et de cette aqida et de ce manhaj par rapport, il n'y a pas d'autres États qui ont mis ça de l'avant en dehors de l'Arabie Saoudite, selon ma connaissance. Mais ça ne veut pas dire que la da'wah salafia est apparue avec l'apparition de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est l'erreur que font les kuffars et les djinn bid'ah en faisant l'amalgame. Ils essaient de faire croire que parce que l'Arabie Saoudite aujourd'hui prône la salafia et défend la aqida des salafs, ils essaient de faire croire que c'est eux qui l'ont fondé ou qui l'ont inventé, alors que c'est pas le cas. À différentes époques de l'histoire de l'islam, il y a eu différents états et différents pays qui ont prôné et qui ont défendu et qui ont mis de l'avant les fondements de la salafia et les principes de la da'wah salafia depuis l'époque des sahaba jusqu'à notre époque aujourd'hui. Hein? Il y avait les différentes dynasties ou les différents états qui ont géré à l'époque, par exemple, la da'wah salafia, c'était celle qui était mise de l'avant par les khulafa rachidin. Ils n'avaient pas d'autre manhaj et pas d'autre aqida et pas d'autres principes que les principes de cette da'wah et de ce manhaj. Et ceux qui les ont suivis par la suite, que ce soit al-Umawiyya, que ce soit al-Abbasiyya, ils étaient tous sur le manhaj des salafs et sur la aqida des salafs. Puis ensuite, certaines bid'ahs sont apparues, il y a eu des hauts et des bas. Certaines dynasties ou certaines régions ou certains pays se sont, disons, rapprochés de plus que d'autres du manhaj et des principes de la salafie à certaines époques, tandis que d'autres se sont éloignés plus loin, hein, des principes et des fondements de ce manhaj et de cette da'wah salafie. Et dans certaines régions, à travers l'histoire, il y a eu des régions qui ont été complètement conquises, hein, ou bien certains pays dans les pays musulmans, à certaines époques, il y a des sectes et des groupes d'égarement qui ont réussi à mettre la main sur le pouvoir dans certaines régions et ils ont imposé partout leur aqida et leur déviation. Et donc, à cette période-là, la da'wah salafia a été écrasée et ils ont essayé de faire tout pour l'éliminer et pour la faire disparaître, la faire taire. Et tandis que dans d'autres époques et dans d'autres régions dans le monde musulman, la sunna était mise de l'avant et les fondements et les principes de la salafia étaient élevés. Et donc, on comprend donc qu'à travers l'histoire, il y a eu des hauts et il y a eu des bas par rapport à la salafia. Et donc, c'est pour cette raison-là que, par exemple, les lieux saints aujourd'hui sont sous la dirigeance et le pouvoir de cet État qui est géré par la famille des descendants de Mohammed ibn Saoud. Et c'est une famille qui a pris comme, disons, responsabilité, hein, et comme devoir de défendre cette aqida, de défendre ce manhaj et de le mettre de l'avant. Hein? Peut-être que, hein, à d'autres époques, c'était d'autres familles, d'autres dynasties, d'autres, hein, savants. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, à l'époque des Abbasiyas, tous les premiers khulafa de l'Abbasiyya, ils étaient tous sur l'aqida et le manhaj des salaf. Puis, Al-Ma'moun est arrivé. Et c'était un des khulafa. Il a été influencé par l'aqida des Mu'tazila. Et donc, étant donné qu'il a été rapproché des Mu'tazila, il a été influencé par les Mu'tazila. Et il a dévié du manhaj des salaf et de la compréhension des salafs, et il a fait que yani, les salafs soient les ulama soient mis de côté. Ceux qui appellent à la salafia ont été emprisonnés, ont été torturés, ont été battus, tués même parfois, s'ils refusaient de dire que le Coran est créé. Donc ça, c'est pour montrer que à cette époque là à l'époque d'Al-Ma'moun, c'est ce qui est arrivé. Puis ensuite, celui qui l'a suivi. Hein? Après, il y a eu Al-Mu'tasim Billah. Et après, il y a eu Al-Wasiq. Ceux-là ont été sur la aqida des Mu'tazila. Et ils ont imposé à tout le monde, les ulama, les juges, hein, tous les responsables, de prôner et de défendre la aqida des Mu'tazila, qui sont des jeunes bid'ah. Hein? Et après, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le khalifa qui les suive soit sur la voie des salafs, c'était Al-Mutawakkil. Bon, cette chose-là s'est produite à différentes époques. Hein? Et c'est ça ce qui est arrivé avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Avant l'Arabie Saoudite, il y avait d'autres individus ou d'autres familles qui ont géré et qui ont régné sur la Mecque et Médine. Toutefois, ils ne prenaient pas la salafia. Et ils ne défendaient pas la aqida des salaf. Hein? Ils défendaient la soufia, la bid'a des soufiyins. Ils défendaient al-kuburiya, l'adoration, les gens qui adorent les tombes et qui vénèrent les tombes. Ils défendaient al-rafida, les rafida, la secte des chiens al-rafida. Ils défendaient, hein, al-ash'ariya, ou bien, à d'autres époques même, ils défendaient même d'autres sectes comme, plus égarés encore, comme Al-Batiniyoun et Al-Ismailiyya et d'autres sectes comme ça. Et c'est uniquement à cette époque qu'alhamdulillah, il y a eu cette réforme dans cette région du monde, alhamdulillah, qui est le cœur de la Ummah, le centre de la Ummah, et qui fait en sorte qu'alhamdulillah, aujourd'hui, la da'wa qui règne en Arabie Saoudite, c'est la da'wa salafia. Et qu'il n'y a plus de shirk, des tombes là-bas, puisque, alhamdulillah, un des fondements et des premiers principes de cette da'wa salafia, c'est quoi? C'est le tawhid et le combat du shirk. Ça, c'est la base de cette da'wa. Il n'y a pas de salafia sans le tawhid. Et il n'y a pas de, disons, d'islam sans le tawhid, il n'y a pas de salafia sans le tawhid. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la salafia, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est l'islam dans sa pureté, l'islam dans sa réalité, l'islam tel qu'il était à l'époque des sahaba et comment le professeur sallam l'a enseigné. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne la question de ceux qui prétendent que l'Arabie Saoudite, c'est, hein, quand on parle de la salafie aujourd'hui, il parle de l'Arabie Saoudite, on veut faire comprendre que l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est eux qui prônent la salafie. C'est possible que, comme c'est arrivé à l'époque des Al-Abbasiyya, un jour, on ne souhaite pas ça, que Allah subhanahu wa ta'ala préserve la Ummah de ça, mais c'est possible qu'à un certain moment donné, des gens de bid'ah essaie de prendre le pouvoir des terres saintes encore une fois et impose aux musulmans par la suite la, leur bid'a là-bas, comme par exemple la bid'a des rafida encore une fois ou bien des soufiyin, hein. Et donc à ce moment-là, est-ce que les gens vont dire l'Arabie Saoudite c'est un pays salafi? À ce moment-là, ils vont plus dire ça, parce qu'ils savent que mais qu'est-ce qui va être là-bas maintenant, ce sera une égarement. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas arrivé. Les ulama qui sont là-bas, qui sont en train d'enseigner l'islam et clarifier l'islam pour la umma, ce sont ceux qui sont sur la aqida des salafs et sur la voie des salafs. Ils enseignent aux musulmans le tawhid et ils les avertissent contre le shirk et ils enseignent aux musulmans la sunna et ils les avertissent contre toute forme de bid'a. Donc ça c'est à ce sujet-là. De même qu'il est important de comprendre que souvent, soit les kuffars, les orientalistes, les islamologues, ou bien même parfois des gens de bid'a, soit des gens spécialistes, des intellectuels musulmans qui parlent de l'islam, ils vont dire à propos de la salafia que c'est quelque chose qui est inventé par Ibn Taymiyyah, ou par Muhammad ibn Abdul Wahhab, ou par le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, hein, ou par le Cheikh Al-Albani. Et que d'être salafi, c'est de suivre ces savants-là. Et nous, on doit comprendre et faire comprendre que ce n'est pas le cas. La salafia, elle existait avant le Cheikh Al-Albani. La salafia, elle existait avant le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. La salafia, elle existait avant le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. La salafia, elle existait avant le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. La salafia, elle existait avant l'imam Ahmad ibn Hanbal. La salafia, elle existait avant Malik ibn Anas. La salafia, elle existait avant l'imam Shafi'i. La salafia, elle existait avant l'imam Abu Hanifa. La salafia, elle existait donc depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque la salafia, c'est l'islam tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. D'accord? Et donc, que représentent ces ulama là pour nous en tant qu'individus qui s'apparentent à la salafia et qui prône la salafia et qui défend la salafia? Qui sont ces ulama là pour nous et qu'est-ce qu'ils représentent pour nous? Ils représentent des hommes qui ont eux aussi pris comme référence les salaf al-salih et qui ont établi pour eux-mêmes et enseigné aux autres les fondements sur lesquels se basaient les salaf, les sahaba et les tabi'in et les tabi'in pour comprendre la religion de l'islam. Et donc ce sont des individus, des ulama, des imams parmi les imams de l'islam. Ils ne sont pas infaillibles, on ne les suit pas pour eux, mais on les suit par rapport à la vérité et à leur attachement au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salaf al-salih. Donc tout individu parmi les ulama qui ont défendu et qui ont prôné les fondements et les principes de la salafia, il est mis de l'avant. Et plus un individu parmi les ulama s'éloigne ou a des manques ou des défaillances dans sa façon de comprendre le Coran et la Sunna et dans sa façon de suivre les salaf salih, plus il est mis en arrière. Et l'amour et le respect qu'on a pour un parmi les savants de l'islam est proportionnel justement à sa défense de la salafia, à sa défense du Coran et de la Sunna, et également à son combat et à sa lutte contre la bid'a et contre l'innovation. Hein? Donc, maintenant qu'on a compris ça, il faut comprendre un point encore qui est assez important aussi, c'est que quand on dit le terme, quand on utilise le terme salafi, c'est pour dire qu'on a, on s'apparente au salaf. Et le ya à la fin, en arabe, c'est pour dire que tu appartiens à cette chose, à quelque chose. Comme par exemple, même quand on parle des pays, quand quelqu'un dit qu'il est par exemple, qu'il vient par exemple de la France, il rajoute à la fin le ya en arabe pour s'attribuer à ce pays-là et pour dire que c'est de là qu'il vient ou que c'est là qu'il vit. Donc si on dit qu'en arabe, le mot France, on dit France, si quelqu'un veut dire qu'il appartient à la France ou qu'il est français ou qu'il vit en France, il rajoute le ya à la fin. Il enlève le alif et va remplacer par le ya, ya al-nisba. Il dit ana fransi, je suis un français. La même chose pour quelqu'un, s'il dit qu'il est du Canada, il va dire ana canadi. Si quelqu'un, par exemple, il suit le madhab de l'imam Malik, il rajoute le ya à la fin et ça devient maliki, dans le sens qu'il appartient à ceux qui suivent ce madhab. Hein? Ou bien Shafi'i, la même chose. Ou bien Hanbali, parce qu'il suit l'imam Ibn Hanbal et son madhab et ses fondements. La même chose, si on dit que quelqu'un, hein, il est sur la bid'a, on peut dire de lui qu'il est bid'i, c'est-à-dire qu'il est en train de suivre la bid'a. Donc on dit de lui qu'il est bid'i. Et on peut dire de quelqu'un qu'il suit, s'il suit les salafs, on dit qu'il est salafi. Dans ce sens-là, c'est correct de le dire et c'est permis de le dire. Et il est important de comprendre qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna des références pour prouver ça. Premièrement, c'est important de comprendre que la salafia, c'est une des appellations parmi les appellations pour désigner un groupe bien spécifique. Mais ce n'est pas la seule appellation qui est acceptée pour désigner ce groupe. Donc, par exemple, quand on parle des salafis, les ulamas utilisent d'autres appellations aussi pour les désigner, ce groupe-là. Parmi les appellations qui sont utilisées par les ulamas pour désigner ceux qui suivent les salafs, à travers l'histoire, ils ont ramené différentes appellations. Parmi ces appellations, par exemple, Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ça, c'est une des appellations qui est utilisée. Et c'est un synonyme du terme salafi. C'est un synonyme du terme salafi. Quand quelqu'un dit qu'il est sunni, ça veut dire qu'il fait partie de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ok? Et donc il fait partie des gens qui sont sur la sunna. Et c'est un synonyme d'être un salafi. Alors dans ce cas-là, si on dit que c'est un synonyme, pourquoi certains alors nous critiquent lorsqu'on dit qu'on est salafi? Est-ce que quelqu'un peut dire que de se dire sunni, c'est une bid'a? Bien sûr que non. Alors, de la même manière que quelqu'un ne peut pas prétendre que de se dire sunni, c'est une bid'a, de la même manière, il ne peut pas prétendre que de se dire salafi, c'est une bid'a, puisque c'est un synonyme et que ça a la même signification et les mêmes références et les mêmes implications. Il y a d'autres appellations. Maintenant, je vais revenir au terme sunna, mais avant d'y revenir, je vais clarifier d'autres appellations également qui sont synonymes du terme salafi. Il y a, par exemple, comme appellation, Ahlul Hadith. Le terme Ahlul Hadith, il est également utilisé par les ulama pour désigner les salafs ou les salafiyoun, et pour désigner également Ahlul Sunnah wal Jama'a. Quand on dit Ahlul Hadith, on parle de Ahlul Sunnah et on parle des salafs, des salafis. Il y a un autre terme également qui est utilisé pour désigner les gens de Ahlul Sunnah, les salafis. Il y a le terme Ahlul Athar. Ahlul Athar, c'est-à-dire les gens qui suivent le hadith et la sunnah. C'est ce que ça signifie. Il y a d'autres appellations aussi, comme Al-Firqatu Najiya, le groupe sauvé. Ça aussi, ça désigne Ahlul Sunnah. Et ça désigne les salafis ou Salafiyoun. Et ça désigne aussi Ahlul Hadith et Ahlul Athar. Et il y a une autre appellation aussi, une sixième appellation, c'est Al-Ta'ifatul Mansoura, c'est-à-dire le groupe victorieux, hein, qui désigne tous les noms qu'on a mentionnés précédemment, Ahlul Sunnah, Al-Salafiyoun, Ahlul Hadith, Ahlul Athar, Al-Firqatul Najiyah et Al-Ta'ifatul Mansoura. Tous ces groupes désigne la même réalité, c'est-à-dire que ça désigne ceux qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih, c'est-à-dire selon la compréhension des sahaba et des tabi'in et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis bi ihsan, de la meilleure façon, jusqu'à notre époque. Donc, on peut comprendre que ces appellations-là sont des synonymes. Donc, on peut comprendre aussi que à cette appellation-là s'opposent différentes réalités et différentes choses qui distinguent ces gens qui suivent ces principes et ce fondement-là de ceux qui les contredisent. Et justement, ces appellations sont apparues justement pour distinguer les musulmans qui adhèrent et qui prônent ces fondements et ces principes-là de ceux qui les contredisent. Parmi qui ? Parmi les gens de Bid'ah. Parmi les gens de Bid'ah. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on voudrait faire ? C'est d'expliquer justement les preuves et les bases à ce sujet, c'est-à-dire au sujet du fait qu'on doit suivre les salafs et que c'est obligatoire et que ça fait partie de l'islam et que ça fait partie de la religion. Et qu'est-ce qui oppose cette aqida ou ce manhaj des salafs ? C'est quoi le contraire pour comprendre la réalité de ce que c'est, hein ? Comme les ulama, ils mentionnent que si tu veux comprendre quelque chose, eh bien tu dois connaître son contraire. Tu dois connaître son contraire. Donc il faut comprendre qu'à la base déjà, qu'est-ce qui distingue un salafi de celui qui n'est pas salafi ? À la base c'est la aqida, c'est la croyance. Il n'y a pas quelque chose qui passe devant ça, cet élément-là. La première chose qui fait que quelqu'un se distingue, hein, qu'un salafi se distingue de celui qui n'est pas salafi, la première chose, c'est la aqida, c'est la croyance. C'est les principes de la croyance. C'est ça qui distingue le salafi de ce qu'il n'est pas, de celui qui n'est pas salafi. Et la première de ces distinctions-là, c'est, bien entendu, dans le tawhid, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Parce que toutes les premières sectes et les premiers égarements qui sont apparus dans la Ummah, elles sont apparues, ces sectes, au sujet du tawhid. On va donner des exemples de ça dans les exemples qui suivent, Inch'Allah. Donc, on va faire un petit résumé maintenant des preuves et des exemples par rapport à la salafia et qu'est-ce qui oppose la salafia pour comprendre ce que ça signifie. Donc, je vais juste faire un petit résumé des fondements les plus importants de cette da'wa à salafia. Donc, la salafia, elle est basée sur plusieurs fondements. Plusieurs fondements et principes. Celui qui les comprend, eh bien, il va être capable par la suite de distinguer. Celui qui ne les comprend pas, il va toujours être confus. Donc, c'est important de les étudier et de bien les comprendre. Bon, le cheikh Salih Al-Fawzan, rahimahullah wa hafizahullah, il dit dans le volume 2 de son livre Muhadaratun fil Aqidati wa Da'wa, dans une conférence ou un cours qu'il a donné qui s'intitule Min Usuli Aqidati Ahl Sunnati wal Jama'a, il explique les fondements et les preuves à ce sujet. Et donc je vais juste énumérer certains des fondements en premier, puis après mentionner les preuves au sujet du fait de suivre, de l'ordre de suivre les salafs salih. Le cheikh il dit à la page 149: Usul ahl sunnah wal jama'a, inna ahl sunnah wal jama'a yasiruna ala usul thabita wa wadiha fi al-i'tiqad wal 'amal wal suluk. Donc le cheikh dit que les gens de ahl sunnah wal jama'a, ou on peut dire al-salafiyun, ou bien on peut dire al-firqatun najiyah, ou on peut dire al-ta'ifatul mansoura, ou on peut dire ahlul hadith et ahlul athar, ainsi de suite. Il dit que ces gens-là suivent ou marchent sur des fondements qui sont fermes, clairs. Et ce sont des fondements qui sont dans la croyance, dans la pratique, dans le comportement. Donc, comme je disais tout à l'heure, la base de la da'wa salafia, la base de ce manhaj, il se situe dans la aqida, mais il ne se limite pas uniquement à la aqida. Il comprend également la pratique et également le comportement et le cheminement du musulman. Donc, il englobe tous les aspects de l'islam. Et le cheikh dit: « Wa hadhihi al-usul al-azima mustamaddatun min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ma kana alayhi salafu hadhihi al-ummah من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وهذه الأصول تتخلص فيما يلي. Le cheikh il dit: et ces fondements, ces grands fondements sont tirés directement du Coran et de la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de ce que suivaient les salafs de cette umma parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Et ces fondements-là peuvent être résumés dans ce qui suit. Donc, il commence par le premier fondement, et on va faire un résumé. On va pas élaborer chacun de ces fondements-là, mais c'est de les mentionner et de les résumer pour faire comprendre ou donner une petite idée de ce qu'implique être un salafi et croire en la salafie. Al-asl al-awwal al-iman billah وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. Ça c'est le premier fondement de la salafie. C'est de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses messagers, de croire au jour dernier et de croire en la prédestination de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc quelqu'un qui entend cette parole ou ce premier fondement parmi les musulmans, automatiquement, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire: mais dans ce cas-là, tout le monde a compris ce fondement. Et tout le monde est d'accord parmi les musulmans avec ce fondement. Et là, ici, il est important de leur dire attention. De leur dire que ce n'est pas nécessairement le cas. Beaucoup de gens prononcent ces 6 piliers de la foi et mentionnent ces 6 piliers de la foi. Et quand il parle de chacun des éléments ou de chacun de ces différents piliers de la foi, ils en ont une compréhension totalement différente d'une personne à une autre. Alors c'est important justement de rentrer dans chacun de ces piliers de la foi et de clarifier la vérité au sujet de chacun d'entre eux, parce que au sujet de chacun de ces éléments, ou de la plupart de ces éléments, de ces piliers, il y a des gens qui ont dévié, qui ont quitté la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, et qui sont tombés dans l'égarement, qui ont quitté la voie des salafs. Donc le cheikh dit, juste comme pour donner des exemples, il dit « Fal imanu billah » Donc il explique chacun de ces piliers de la foi, en commençant par l'iman ou billah, et moi je vais donner des exemples en parlant de ce point-là. Le cheikh il dit, فَالْإِمَانُ بِاللَّهِ هُوَ الْإِقْرَارُ بِرُبُوبِيَتِهِ وَأُلُوهِيَتِهِ يعني الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة واعتقادها والعمل بها وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فتوحيد الربوبية معناه توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنه رب كل شيء وملكه وتوحيد الألوهية ومعناه إفراد بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه إذا كان مما شرعه الله كالدعاء والخوف والرجاء والمحبة والذبح والنذر والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والصلاة والصوم والحج والإنفاق في سبيل الله وكل ما شرعه الله وأمر به لا يشركون مع الله غيره فيه لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم. Donc on va commencer par ces deux premiers points. Le cheikh il commence avec le premier pilier de la foi. Et au sujet justement de ce premier pilier de la foi, vous serez, hein, on serait étonné de constater que la plupart des groupes et des sectes qui sont apparus dans cette Ummah et qui ont dévié de la voie des salafs ont dévié au sujet de ce premier pilier, c'est-à-dire le pilier de la foi. Et il commence le cheikh et il dit que de croire en Allah, ça signifie de reconnaître sa souveraineté, sa rububiyya, et de reconnaître le fait que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, qu'est-ce qu'on appelle al-uluhiyya. Donc c'est de reconnaître et de croire en les trois catégories de tawhid, et de croire qu'il faut appliquer et agir selon ces trois catégories de tawhid. Donc déjà en partant, on comprend que le tawhid est divisé en trois catégories. La première catégorie c'est tawhid al-rububiyya, la deuxième c'est tawhid al-uluhiyya, et la troisième c'est tawhid al-asma'i wa-sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, d'unifier Allah dans sa souveraineté. Le fait que, comme on va l'expliquer, hein, on va expliquer, bon, je vais juste les traduire chacun, puis après je vais les expliquer. Tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans sa souveraineté. L'unicité d'Allah, tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et tawhid al-asma wa sifat, l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs d'Allah. Ok? Et le premier, tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la souveraineté, ça signifie d'unifier Allah dans les actions de la créature, dans le fait qu'on croit que c'est le seul qui crée, c'est le seul qui donne la subsistance, c'est le seul qui fait vivre et c'est le seul qui fait mourir. Et que c'est lui le maître de tout et qu'il n'y a personne qui partage le pouvoir avec lui dans la création. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je suis désolé, ça a coupé. Donc on continue inshallah. Donc le cheikh il dit que donc il faut croire en la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de croire que c'est le seul qui crée, qui donne le risque, qui fait revivre, qui fait vivre, qui fait mourir, et que c'est lui le maître de toutes choses et qu'il est le seul qui contrôle tout et qui est le maître de tout. Tawhid al-uluhiyya, c'est la deuxième catégorie, c'est d'unifier Allah dans l'adoration. On unifie Allah. Donc tawhid al-rububiyya, c'est l'unicité d'Allah et d'unifier Allah dans ses actions. Hein, de croire que c'est lui seul qui est unique, hein, il est unique dans ses actions, dans les actions qu'il fait, il est le seul à faire ce qu'il fait. Et deuxième, le deuxième, c'est le tawhid dans nos actions à nous, les créatures. On unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration qu'on donne à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que par les actions par lesquelles on se rapproche d'Allah, on n'associe rien et personne avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ces actions-là. Les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées pour nous. Donc, par exemple, le dua. On n'a pas le droit d'invoquer d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Le dua, il est pour Allah seul. Et il énumère une série ou une quantité de différentes formes d'adoration. Parmi elles, la crainte, l'espoir, l'amour, le sacrifice qu'on fait quand on sacrifie un animal, le vœu qu'on fait lorsqu'on prend un serment ou on fait un vœu. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose et on fait un vœu pour ça. Al-isti'ana, demander l'aide d'Allah. Al-isti'aza, chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istighatha, d'appeler au secours Allah subhanahu wa ta'ala. Faire la salat, le jeûne, le hajj, de donner fi sabilillah de l'argent, toutes ces choses et toutes les autres choses que Allah a légiférées. Il nous a ordonné de lui vouer un culte exclusif dans toutes ces choses-là et de ne rien associer avec lui dans ces actions-là qu'on fait. Peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être parmi les choses qu'on associe avec lui. Que ce soit un ange, ou un prophète, ou un saint, ou un homme pieux, ou autre. On n'a pas le droit de partager cette adoration-là entre Allah et une autre parmi les créatures. Toute notre adoration doit être vouée à Dieu, à Allah seul. Donc, parmi ces deux premiers points dans la foi en Allah, il y a différents groupes qui ont dévié. Juste dans ces deux groupes-là. Premièrement, dans Ar-Rububiyya, il y a des sectes aujourd'hui qui ont dévié à ce sujet-là. Sur différents points de la croyance. Comme des gens, par exemple, qui croient que il y a des êtres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont le contrôle sur l'univers. Parmi les soufis, par exemple. Les soufis, ils croient en certains soufis parmi les égarés. Hein, ils croient qu'il y a des hommes qu'on appelle Rijalul Ghaib et que c'est eux qui contrôlent l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a parmi les Rafida également des gens qui ont contredit à Rububiyya, le Tawhid dans la Rububiyya. Ils croient que leurs imams, leurs 12 imams, ce sont eux qui contrôlent les atomes dans l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des exemples de shirk dans la Rububiyya. Sans parler des autres religions qui ont dévié à ce sujet-là, comme par exemple les chrétiens et d'autres également parmi les kuffars. Et dans Tawhid al-Uluhiyya, il y en a beaucoup qui ont dévié. Parmi les soufis, par exemple, encore une fois, qui adorent les tombes et les saints, et qui égorgent des animaux pour les tombes, qui les invoquent en moment de détresse, qui leur demandent de l'aide alors qu'ils sont morts dans leur tombe, hein, qui adorent les hommes pieux et les saints. La même chose avec les Shia Rafida, qui ont dévié à ce sujet-là, et qui adorent les morts et les tombes. Ça, c'est des exemples de shirk dans Tawhid, hein. Al-Uluhiyya. Hein? Et également, donc il y a beaucoup d'autres éléments aussi, mais ça c'est juste des exemples à ce sujet. Maintenant, il y a Tawhid al-Asma wa Sifat. Le Cheikh il dit: Wa ma'nahu, ithbatu ma athbatahu Allah li nafsihi, ou athbatahu lahu rasuluhu, min al-Asma wa Sifat, wa tanzihu Allah amma nazzaha anhu nafsa. ونزهه عنه رسوله من العيوب والنقائص من غير تمثيل ولا تشبيه ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Donc le Cheikh il dit également, il y a le tawhid de al-asma wa sifat. Le tawhid est l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. C'est le fait d'affirmer à Allah ce qu'il s'est affirmé pour lui-même et d'affirmer ce que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala dans la sunnah parmi les noms et les attributs. Et également de purifier Allah subhanahu wa ta'ala, hein, de tout ce que Allah s'est purifié lui-même, de tout ce dont il s'est purifié lui-même comme imperfection ou comme défaut, et également de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute chose, de toute caractéristique dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a purifié Allah subhanahu wa ta'ala comme, les défauts, comme parmi les différents défauts et imperfections. Donc, comme par exemple, il y a beaucoup de versets dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il nie certaines imperfections ou certaines faiblesses. Comme par exemple quand il mentionne que, par exemple, il n'est pas touché par la fatigue ou par le sommeil. Ça c'est un exemple de tanzih. Allah se purifie de ce genre d'imperfections-là, de défauts et de faiblesses. Par exemple, le fait d'avoir un fils ou une épouse, il se purifie de ce genre de choses. Donc, en même temps, il réfute les kuffars et les mouchriquins qui lui attribuent ce genre d'imperfections-là. Et qui adorent des idoles, hein, et des choses de ce genre, qui ont ces caractéristiques-là. Aussi, par exemple, le fait de manger. Allah s'est purifié de cette imperfection-là. Hein. Allah, c'est lui qui nourrit et il n'est pas nourri. Hein? Et ainsi de suite, hein? Des choses de ce genre, des imperfections que Allah a niées et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a niées également à propos d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est d'affirmer ces attributs là qui sont affirmés dans le Coran et dans la Sunna, et de nier ce qui est nié dans le Coran et dans la Sunna sans faire de ressemblance entre Allah et sa création, sans faire de tamthil, de comparaison entre Allah et sa création, sans faire de tahrif, c'est-à-dire de déformer, de changer le sens ou le sens ou le mot ou les mots qui sont utilisés pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala, pour les faire sortir de leur sens réel, pour leur donner une signification différente qui n'est pas justifiée ou prouvée par la langue arabe ou prouvée par des textes. Donc, c'est en fait de faire des sortes de falsifications ou de déformer le sens réel de ces attributs. Et également, voilà ta'til, yani sans nier également les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit directement ou indirectement, en les vidant de leur sens. Hein, comme par exemple ceux qui disent, par exemple, à propos d'Allah, qu'il a conquis le trône, au lieu de dire qu'il est au-dessus de son trône, puisque Allah il dit dans plusieurs versets qu'il est au-dessus de son trône. Et bien ces gens-là, ils ont dévié à ce sujet, puis ils disent par exemple que quand on parle de Al-Istiwa, pour eux, de dire qu'Allah est au-dessus de son trône, pour eux ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a conquis le trône, parce qu'ils pensent que d'affirmer à Allah l'attribut de Al-Istiwa, de croire qu'il est au-dessus de son trône, ils pensent que ça implique une imperfection. Et donc, ils cherchent à le nier. Ils cherchent à nier les versets dans le Coran qui prouvent cet attribut-là. Donc, ça, c'est une forme de ta'til, hein, une forme de tahrif. Et c'est ce qu'ils appellent, eux, ta'wil. Ta'wil, ça veut dire en arabe l'interprétation ou la conclusion dans la langue arabe. Mais eux, ils l'utilisent dans un autre sens. Les gens de Bid'a utilisent le mot ta'wil pour dire la falsification, la déformation du sens. Parce que c'est ça ce qu'ils font en réalité. Ils font le tahrif, puis ils l'appellent ta'wil pour que ça passe. Parce qu'ils savent que le tahrif, c'est pas quelque chose de bien. Allah a mentionné le tahrif dans son livre en parlant des juifs, en disant qu'ils déforment les mots de leur sens. Donc eux, ils veulent pas qu'on les accuse de tahrif. Alors ils utilisent un autre terme qui passe mieux, qui est le terme de ta'wil. Et donc quand ils disent le ta'wil, on fait le ta'wil, hein, ils disent ben oui, ta'wil c'est accepté, les salafs ils ont fait le ta'wil. Oui c'est vrai, ils ont fait le ta'wil, mais le ta'wil pour eux c'était le tafsir, c'était l'explication des versets, et non pas ni la falsification de leur sens réel, comme ce que vous faites, comme les, par exemple les jahmiya qui nient les noms et les attributs complètement, les Mu'tazila, qui nient les attributs au complet, mais qui affirment les noms. Ou bien les Asha'ira et les Maturidiyya, qui nie les, toutes les attributs d'Allah excepté 7. Hein? Qui nie toutes les attributs d'Allah excepté 7 ou 8. Hein? Ou 13, certains d'entre eux affirment 13. Et qui déforme le sens des autres attributs. Et qui affirme les noms, mais qui nie les attributs d'Allah excepté 7 ou 8 ou 13. Hein? Les autres, ils les déforment en se basant sur leur logique ou leur raison, ou leur soi-disant intelligence. Et donc ça c'est la aqidah d'Ahl Sunnah au sujet des attributs est contraire à ces sectes de déviation là. Parce que nous, hein, on croit en Allah tel qu'il s'est décrit lui-même et on nie à propos d'Allah ce qu'il a nié pour lui-même sans faire de comparaison, de ressemblance ou de négation ou de falsification des sens et des termes employés par Allah. Comme Allah il le mentionne dans le Coran, dans le verset 11 en sourate Shura, il n'y a rien qui lui ressemble. Et il est l'audient et le voyant. Et comme le verset 180 dans sourate Al-A'raf, c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le par ses noms. Hein? Donc, on affirme les noms et on affirme les attributs, sans faire de ressemblance. Ça, déjà à ce sujet-là, comme j'ai dit, il y a plusieurs, juste dans ces trois fondements du tawhid, il y a une quantité innombrable de groupes et de tendances et de sectes qui ont dévié dans cette base-là, dans ce premier pilier de la foi qui est le premier, qui est en fait les six piliers qui sont le premier fondement parmi les fondements d'Ahl Sunnah. Alors si c'est le cas pour le premier, que le premier pilier du premier fondement d'Ahl Sunnah, si c'est le cas si c'est le cas pour ce pilier, pour ce premier point dans ce premier fondement, de ce premier pilier dans ce premier fondement, alors que dire des autres piliers et que dire des autres fondements qui suivent, hein? Il y a beaucoup de gens qui ont dévié.